Chapitre 13. Cependant, Madame de Mussidon ne s'endormit pas dans son triomphe. C'était beaucoup d'avoir arraché Geneviève au théâtre, mais ce n'était pas tout. L'idée de théâtre, en effet, n'était qu'une conséquence des dispositions morales de Monsieur de Mussidon et de sa situation matérielle. C'était là qu'était le danger qu'il pouvait éclater de nouveau, si de nouveau se présentait une occasion où l'enfant pourrait, comme elle le devait, travailler pour ses parents. Dans son besoin de ne pas accuser son mari, le père de sa fille, l'homme qu'elle avait tant aimé et si profondément admiré, elle ne voulait pas qu'il fût responsable de cette idée de mettre Geneviève au théâtre. C'était Sébastien, c'était Frédéric, c'était quelques diaboliques personnages, leur ami et leur conseil, qui avaient inventé cette infernale combinaison du théâtre. Votre père a besoin d'argent. Il ne reculera devant rien pour s'en procurer. Inspirez-lui l'idée de faire de votre petite sœur une comédienne et votre tante, indignée, la déshéritera. Par cela seul, vous recouvrerez l'héritage que vous avez perdu. Tel avait été leur calcul, bien certainement. Elle le devinait, comme si elle les avait entendus. Maintenant, quel serait celui qu'ils inventeraient pour remplacer leur combinaison de la porte Saint-Martin? Comme elle réfléchissait à cela, et surtout moyen à trouver pour préserver son mari des tentations qu'il ne manquerait pas de faire luire à ses yeux, tirant son aiguille fiévreusement et machinalement, plus par habitude que par volonté, elle vit entrer sa voisine, Madame Guesswiller, à qui Geneviève avait ouvert la porte. Elle n'avait pas l'habitude de se visiter l'une l'autre, ayant assez à faire chacune chez soi pour n'avoir pas le temps de voisiner. Madame de Mussidon, son travail qui leur donnait le pain quotidien à elle, à sa fille, à son mari, Madame Guesswiller, son ménage, les chambres de ses enfants, leur linge à entretenir, leurs chaussures à nettoyer, leurs vêtements à coudre ou à repriser, la cuisine, sans compter sa surveillance pour que chacun ne perdît pas une minute, et ses sorties pour accompagner ses filles au conservatoire, où pendant les classes, elle rabotait des bas et des chaussettes dont elle avait toujours ses poches pleines. C'était seulement dans l'escalier, lorsqu'elles se rencontraient, qu'ils échangeaient quelques mots rapides en montant, sans flâner, ou bien sur le balcon, quand toutes deux, en même temps, éprouvaient le besoin de respirer un peu ou de s'étirer les bras. C'était donc une affaire qu'une visite de Madame Guesswiller. « Voici ce que c'est, dit-elle en s'asseyant. Je viens vous demander Geneviève pour demain pendant 2 heures. Un service que vous pourrez me rendre. Je voudrais faire entendre Odile et Geneviève, dans leur sonate à 4 mains, à Madame Raphélis. Vous savez ce qu'elle est pour mes filles, une providence. Elle leur donne des leçons sans avoir jamais voulu rien accepter de nous. Et toutes les fois qu'on leur fait des passe-droits au conservatoire, elle prend leur défense aussi bien auprès des autres professeurs, ses collègues, qu'auprès du directeur qu'elle ne craint pas, grâce à la belle situation de fortune de son mari. Une femme qui pourrait vivre de ses rentes, mener grand train, et qui continue à faire sa classe, rien que par amour de la musique, c'est beau. Sophie et Salomé lui ont souvent parlé de Geneviève, de ses dispositions extraordinaires, de son talent si curieux, chez quelqu'un qui n'a jamais sérieusement travaillé, et elle désire l'entendre avec Odile. Je sais bien qu'elle écrasera ma pauvre petite Odile, qui n'est pas douée comme elle, mais cela ne fait rien, je n'ai rien à refuser à Madame Raphélis. Et moi je n'ai rien à vous refuser, chère Madame Guesswiller. Ne vous inquiétez pas de la toilette, avec ses beaux cheveux blonds nattés, sa jolie figure intéressante, elle sera toujours très bien. Et puis Madame Raphélis n'est pas une femme à s'occuper de ces niaiseries de la toilette. C'est une personne tout à fait supérieure. Le talent et la bonté, le meilleur professeur femme du conservatoire. Je suis sûr que si vous vouliez faire de votre fille une artiste, elle se chargera d'elle volontiers. Et par amour de l'art, tout simplement, sans rien vous faire payer. Mais avec son grand héritage, Geneviève n'a pas besoin de travailler sérieusement. Elle en sera toujours assez pour son plaisir. À quel âge peut-on gagner de l'argent? Il n'y a pas d'âge. Une enfant qui aurait beaucoup de talent gagnerait ce qu'elle voudrait. Le petit Dotto qui joue si merveilleusement du violon gagnait 20 ou 25 000 francs par an à 12 ans. Si Odile avait été douée comme les Geneviève, elle gagnerait aujourd'hui 10 000 francs. Voilà comment tout n'est pas pour le mieux en ce monde. C'est celle qui n'en a pas besoin qui est douée. Madame de Mussidon réfléchit un moment et comme si elle se parlait à elle-même. Personne plus que Geneviève n'aurait besoin de gagner de l'argent. Comment cela? Est-ce que la tante du midi veut la déshériter? Madame de Mussidon n'avait pas de confident et ce n'était point son habitude de raconter ses affaires à sa voisine. Elle vivait discrètement, au contraire, gardant pour elle ses espérances aussi bien que ses craintes, ne s'épanchant que quand elle voyait ses vieux amis d'Asnières, les limoniers. Mais dans le cas présent, il pouvait être utile qu'elle consultât Madame Gessviller. Il n'est pas question que sa tante la déshérite, mais en attendant que cet héritage lui arrive, ce qui peut être long encore, nous aurions besoin qu'elle nous vînt en aide en travaillant. Ce n'est pas seulement pour la musique qu'elle a des dispositions, c'est aussi pour le théâtre. De sorte qu'on nous a fait des propositions pour qu'elle joue à la Porte Saint-Martin dans une pièce où elle aurait un grand rôle. Geneviève, comédienne? Justement, c'est ce que nous nous sommes dit. Vous comprenez que M. de Mussidan ne peut pas accepter que sa fille monte sur un théâtre. Aussi, malgré les grands avantages qui nous étaient faits, avons-nous refusé. Et cependant, je vous l'ai dit, nous sommes dans un moment difficile. Mais jouer du piano n'est pas jouer la comédie, cela n'est pas déshonorant. Au contraire, c'est ce qui me semble. Aussi, dans le cas où Mme Rapulis voudrait bien se charger de Geneviève, je crois que j'amènerai M. de Mussidan à la lui confier. Ce qu'il faudrait, ce serait qu'elle pût gagner de l'argent aussi vite que possible. Je crois qu'elle pourrait effectivement en gagner. Seulement, si Mme Rapulis accepte de la prendre pour son élève, il faudra vous garder de lui parler d'argent. Elle ne comprendrait pas cela. Si elle se charge de Geneviève, ce ne sera pas pour que la petite gagne de l'argent, mais pour faire d'elle une artiste, une grande artiste. Si un professeur donne son temps, sa peine, son talent à une élève, ce n'est pas tout à fait pour l'élève, c'est aussi pour lui-même, pour sa propre réputation, pour que l'élève le défende et le fasse triompher dans les concours, pour qu'il soit plus tard le représentant de ses idées et de son talent, pour qu'il le continue. Et tout cela, vous comprenez, n'a aucun rapport avec l'argent. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Enfin, je tâcherai d'arranger cela pour le mieux avec Mme Rapulis. L'essentiel est que Geneviève se distingue demain. Si Mme Rapulis s'enthousiasme pour elle, tout est possible. Si vous rencontrez M. de Mussidan, ne lui parlez de rien avant que je l'aie préparé. Mme de Mussidan eut voulu accompagner sa fille le lendemain, non seulement parce que c'était la première fois qu'elle la laissait sortir, mais encore pour être là pendant cette épreuve qui pouvait décider de sa vie, pour l'encourager, la soutenir d'un mot ou d'un regard. Mais cet encouragement, elle dut se contenter de le lui donner le matin en l'habillant et en la faisant aussi belle qu'il lui était possible avec la pauvre toilette qu'elle avait elle-même arrangée dans sa nuit de travail, car elle n'avait pas cru que les cheveux blonds nattés seraient suffisants. Et comme l'enfant n'avait rien ou presque rien, il avait fallu lui improviser un col, des manchettes, lui rafistoler une robe et un chapeau. Si adroite qu'elle fût de ses mains, et si ingénieuse que fût sa sollicitude maternelle, elle n'avait pu cependant l'habiller complètement elle-même des pieds à la tête, et elle avait dû lui acheter des bottines. Par malheur, elle n'avait pas pu aller jusqu'aux bottines de cuir, qui étaient trop chères. Elle avait dû se contenter de bottines coutil qui coûtaient meilleur marché. Pourvu qu'il ne plût pas pendant qu'elle se rendrait chez Mme Rapulis. Il s'avait été des recommandations sur la manière de marcher en ne posant que la pointe des pieds à terre. « Sois tranquille, maman. » répétait Geneviève, qui ne s'était jamais vue si belle. « Je marcherai bien, je jouerai bien, je suis si contente. » Et elle se penchait en avant, avançant le bout des pieds pour admirer ses bottines neuves. M. de Mussidan avait été consulté sur cette visite de sa fille chez Mme Rapulis, et il avait bien voulu l'autoriser pour obliger ses pauvres gens d'en face, comme il appelait les Gessviller. Mais en donnant ce consentement par pure bienveillance, il n'avait pas prévu que cette visite entraînerait à tant de tracas et à tant de frais. « La belle affaire, vraiment ? » dit-il. « Pour aller chez une croque-note, faut-il donc tant de cérémonies ? Certainement, vous êtes libre de dépenser comme bon vous semble l'argent que vous gagnez. Mais enfin, il me semble que dans la situation où nous sommes, vous auriez pu faire des économies. » Quelle angoisse pendant les 3 heures que Geneviève fut absente. Enfin, la sonnette retentit. C'était Geneviève qui avait monté l'escalier en courant. « Madame Rapulis veut bien me donner des leçons, » dit-elle, à mots entrecoupés et en haletant. Madame Gessviller arrivait elle-même. Elle a joué comme un ange.